La campagne de 200 jours est terminée avec succès à l'étonnement du monde par les efforts des militaires et civils de tout le pays pour créer un mythe de maniement suivant la direction du Grand Parti du Travail de Corée. Les réalisations éblouissantes du renforcement des forces armées nucléaires à la Corée, remportées successivement en manifestant l'énorme puissance de la Corée du Sud, ont encouragé la grande marche de tout le peuple uni dans une seule volonté pour ainsi achever avant terme le plan annuel de l'économie nationale et le plan ambitieux de la campagne de 200 jours dont des milliers d'usines et entreprises du secteur industriel en mettant au monde beaucoup d'unités d'activité exemplaires et de pionniers de maniement. Malgré la guerre sans précédent pour remettre en état les régions septentrionales de la province du Hamgyong du Nord, victimes des déluges, en faisant appel à tous les potentiels humains, matériaux et techniques du pays, on a dépassé le plan de la campagne nationale à 119% vu la valeur globale de la production industrielle, soit l'accroissement à 1,3 fois de la production industrielle par rapport à la même période de l'année passée.